mama okoseke na yo tanonga na koloba farase okoseke yo na mana soki penga na tomboki nakobeta moto moto soki penga na tomboki nakobeta yo mana na nga mama ekoza la filime falase na nga na kipate mosolo na nga liboso c'est facile donc je suis fâché ekoza la kaka ndenge moko tango na koloba mama ekoza la très mabe nazali na nga sans souci Sala nanga bienga, fala sena biso ba debia. Ezala kana ngoki pepa, fala sena biso ba komeresa. Elo ba makana libenga. Tamba koloba mama e, ekozala mabe. Tamba koloba mama e, ekozala cinema. Tango na kopanza farase, ekozala revia tete. Tango na kosilika la farase. Banga capitaine adoc, on commande un cinéma. On coloba Ardina Lorraine, et qu'on s'allait un cinéma. Et qu'on s'allait Charona Bourreau. D'abord, on coloba mama, et qu'on s'allait mabé. D'abord, on coloba mama, et qu'on s'allait cinéma. Moto, son qui pengana tomboki, na kopeta yoramba.